little less and a little more smart. Throw your mouth and open up your heart. And baby, say it's my baby. That is my baby. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour cette nouvelle heure d'Argus Sport. Il est 19h30, alors c'est plus les vacances. Mais ce soir, Manu étant absent, eh bien, nous sommes là à 19h30 jusqu'à donc 21h30. Et on retrouvera normalement Manu si tout va bien la semaine prochaine et nous retrouverons notre créneau 21h30. En tout cas, bienvenue à vous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, ce 4 novembre déjà. On va bien sûr tout de suite détailler le programme de cette émission. Et puis bien évidemment aussi, on va rappeler les différentes possibilités pour nous écouter et pour nous joindre bien évidemment. On commence avec le programme ce soir avec du foot bien évidemment. On va revenir sur la journée de Ligue 1 du week-end qui a vu hier la victoire de Saint-Etienne qui a battu Monaco. On va revenir sur cette rencontre qui a fait beaucoup parler, c'est vrai, avec les différentes interventions du VAR et cette victoire finalement de Saint-Etienne. On va aussi revenir sur la défaite du PSG à Dijon. Ça, c'était la surprise en début de journée. On va aussi parler de Lyon qui va mieux et qui s'est de nouveau imposé. Et puis bien sûr aussi Marseille qui s'est imposé également. Voilà pour le foot en France. Bien sûr, on parlera aussi de la Coupe de la Ligue. Qui a vu les 16e de finale se jouer, c'était mardi, mercredi dernier. On va faire le point là-dessus avec les bien sûr affiches attendues en 8e de finale. On parlera du foot à l'étranger aussi, avec pas mal de surprises aussi, hein, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne, il y a eu des surprises chez les leaders. On va bien sûr revenir dessus. La Ligue des Champions, bien sûr, cette semaine, la 5e journée. Quatrième, pardon, journée de Ligue des Champions et de Ligue Europa. On va vous présenter les affiches, bien sûr, de nos clubs français et les grosses affiches des autres clubs. Ça, c'est pour le foot, donc pas mal de choses, bien sûr. En tennis, on va revenir, bien sûr, sur le titre pour Novak Djokovic qui remportait hier le Rolex Paris Masters. Bien sûr, la Carotel Arena, victoire de manche facile pour Novak Djokovic. On va aussi parler de la place de numéro 1 qui a changé, puisque Rafa Nadal qui a, comme prévu, hein, malgré la victoire du Serbe et le forfait de l'Espagnol, on en reparlera en demi-finale, et bien c'est bien lui qui est en tête ce matin de la hiérarchie mondiale. Bien sûr, le Masters de Londres, il va être important pour cette place de numéro 1 qui peut encore changer d'ici la fin de saison. Et puis bien sûr la Coupe Davis aussi qui aura lieu un tout petit peu plus tard. Pour le double vainqueur, c'est les Français Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut qui ont remporté le titre, bravo à eux. Et puis bien sûr on présentera aussi le Masters de double qui aura lieu là aussi en même temps que le Masters. Et puis il y aura le Master Next Gen aussi dont on parlera aussi puisqu'il va avoir lieu également. Voilà pour le tennis chez les femmes, victoire pour Barty, la numéro 1 mondiale en finale du Masters, on va aussi y revenir. Et puis chez les doubles, la Française Kristina Mladenovic qui a remporté aussi le titre du Masters en double. Voilà le programme du tennis, donc pas mal aussi de choses à vous présenter de ce côté-là. Du rugby, le titre pour l'Afrique du Sud en Coupe du Monde, qui a remporté sa 3e Coupe du Monde après un match énorme face aux Anglais qui n'ont jamais vraiment existé. 15 de la Rose qui avait été étincelant face aux Blacks, qui n'a pas vraiment prouvé sa supériorité cette fois. Et le titre, donc, il est pour l'Afrique du Sud. Et on va bien sûr en reparler. Du basket, l'actualité de la JP Elite avec la défaite malheureusement de l'OLB à domicile face à Cholet, qui se met dans une situation très inconfortable. On va bien sûr y revenir. Les Coupes d'Europe, l'NBA avec le point habituel, ce sera tout à l'heure dans la page basket. Du handball, bien sûr, on va reparler de nos clubs du secteur avec Fleury, Chien, Saran qui jouaient tous ce week-end. La Ligue des Champions hommes et femmes, la Coupe de la Ligue aussi, on parlera. Il y a eu aussi de la Coupe de la Ligue côté hand ce week-end. Beaucoup de choses là aussi à voir de ce côté-là. Donc tout ça tombe dans la page handball tout à l'heure. Si Sylvain nous écoute, eh bien, j'invite à nous joindre pour nous en parler. Si c'est disponible, sinon bien sûr on l'aura un petit peu plus tard dans la saison, Sylvain, pour reparler de tout ça. De la Formule 1 avec le titre pour Lewis Hamilton qui était attendu. Il n'a pas remporté le Grand Prix, mais il a quand même été champion du monde grâce à sa deuxième place. On va en reparler. Et puis le MotoGP aussi, bien sûr. Voilà le programme de ce côté-là. Et puis bien sûr des directs. Ça fait beaucoup de choses, hein. Des directs dans une heure, un peu plus d'une heure, Le Havre-Nancy, c'est un match de Ligue 2, la 13e journée. Pour clôturer, ce sera à suivre sur Canal Plus Sport. Donc le 6e qui reçoit le 10e. En Italie, c'est un duel de mal cassé lors de cette 11e journée. La Spal, 19e, reçoit la Sampdoriane, 20e. Là aussi, dans une heure, un peu plus d'une heure, sur Bein Sport 4. Voilà les deux seules rencontres qu'on a eues. On va pouvoir suivre ce soir dans le live. Ce sera à 20h45, dans un peu plus d'une heure. Et puis bien sûr, priorité aussi bien évidemment à la chanson, au titre. C'est vous qui faites la programmation, donc vous nous dites ce que vous l'écoutez sur le Facebook. Là aussi, vous pouvez notamment commenter tout ce qu'on dit et proposer des sujets sur le Facebook Red Arc du Sport. Et puis alors pas nous appeler parce que malheureusement ce soir le standard n'est pas opérationnel, mais vous pouvez bien sûr tout de même nous joindre sur le Facebook pour nous écouter 96.2 FM ou le Facebook. Donc sur le Facebook vous avez le lien pour la radio directement, le site radio-arc-en-ciel.fr. Vous le retrouvez sur le Facebook et vous pouvez donc suivre le live directement partout dans le monde sur ce site. Voilà les différentes choses. Et puis on va commencer avec un premier titre et on revient juste après, bien évidemment, pour démarrer ce programme avec éventuellement aussi Jérôme pour la partie foot tout à l'heure, on espère, pour pouvoir revenir avec nous sur cette journée de Ligue 1 et évidemment les pronostics du loto foot comme d'habitude. C'est parti, premier titre. On nous demande un James Brown, et on va écouter un James Brown tout de suite avec qu'est-ce qu'on va écouter James Brown. Il y a plein de choses. Et bien c'est parti pour pourquoi d'ailleurs Get Up. Bien c'est parti avec ce titre que vous connaissez bien sûr. Et bien sûr après on va tout de suite lancer la première partie, 19h38 sur Arc-en-Ciel. C'est James Bond. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Fever and a cold sweat. The way I look. like it is the way it is. I've got mine, don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead, take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got mine. Dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time here. Go ahead. You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a loving machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. Get it up, voilà pour le premier titre de l'émission. Et tout de suite, eh bien, sans plus attendre, on va démarrer avec notre programme habituel. On démarre avec tiens, une petite info, quelques infos athlétisme avant de avant d'aller un petit peu plus loin. Marathon, notamment marathon de New York qui se déroulait hier, le marathon de New York avec pas moins de 70 000 coureurs qui se ruaient dans les rues de New York avec la victoire pour les hommes du Kenyan Geoffrey Kamworor qui s'est imposé avec un chrono en 2h08 13 secondes. C'est sa deuxième victoire puisqu'il s'était déjà imposé il y a 2 ans, qui était favori hein, de ce marathon, et il a bien confirmé son rang. 26 ans donc, qui a remporté ce marathon. Il a devancé son compatriote Albert Courir qui lui à finir en 2:08:36, et à 2 secondes près, c'est l'Éthiopien Girma Bekele qui lui termine en 2:08:38. Voilà, on rappelle que le vainqueur lui est triple champion du monde et recordman du monde du semi-marathon. Voilà, donc c'est pas par hasard qu'il est présent ici, qu'il s'est imposé. Et puis à noter que l'Éthiopien, lui, Lissa Dessissa, a abandonné après 11 km, lui qui avait remporté le titre à Doha et qui avait remporté ce marathon l'an passé et qui n'a visiblement pas réussi à se remettre de Doha et qui a donc abandonné finalement. Ça, c'est chez les hommes. Et puis tiens, à noter que pour la troisième place de Bekele, Gamba Bekele, troisième sans agent et sans sponsor, c'est assez assez rare pour le signaler. Il n'a pas d'agent ni de sponsor et il a tout de même réussi à terminer troisième à seulement 2 secondes donc du second et à un peu plus de 30 secondes du leader. Donc une belle performance à signaler. Chez les femmes, c'est le temps de retrouver l'info côté femme avec la victoire. Je vais vous dire ça tout de suite. Victoire pardon, j'ai le temps de retrouver l'info. Une première pour une Kenyane qui s'appelle Jocelyn Kapsoli. Qui elle a remporté donc ce marathon en 2h22 devant une autre Kenyane, Marie Keitani, qui elle a terminé quelques secondes plus loin, et donc une Éthiopienne qui termine troisième. Voilà, en tout cas le marathon femme, les résultats avec donc pas mal, encore 50 000 coureurs qui s'étaient donné rendez-vous ce dimanche. Noté toujours en athlétisme, Pierre-Ambroise Boss qui a annoncé aujourd'hui se séparer de son entraîneur Alain Ligné, qui a notamment avait emmené l'athlète au titre en 2017 après une déception lors du dernier mondial, demi-finaliste seulement 800 mètres. Il a annoncé donc aujourd'hui mettre un terme à sa collaboration avec son ex-entraîneur, et on ne connaît pas encore le nom de son successeur. Toujours attelé avec Clémence Calvin, on avait beaucoup parlé, c'est vrai, ces histoires de dopage. Eh bien, elle sera entendue devant l'Agence française de lutte contre le dopage le 20 novembre prochain. On rappelle que l'affaire date du 27 mars dernier déjà. Avec également l'aide de son mari Samir Damani, pardon. Ils seront entendus tous les deux le 20 novembre devant cette agence pour tenter de s'expliquer tout simplement pour sa défense. Voilà, en tout cas on verra un petit peu ce que ça donnera après cette audition. Donc le 20 novembre. Et puis une dernière info toujours en athlétisme avec un nouveau meeting qui va entrer dans le calendrier de la Ligue de Diamants, de la Diamond League, qui sera le 15e meeting en Chine. Là on ne connaît depuis aujourd'hui les dates des 15 meetings de cette Diamond League l'année prochaine. Donc un de plus. Donc un second rendez-vous en Chine. Il y aura une à Shanghai toujours et une autre qui sera déterminée dans une autre ville. Donc pour l'instant on n'a pas encore le lieu. Il y aura Shanghai c'est sûr, plus une deuxième. Autre changement, Birmingham va être remplacé par un autre stade qui est le stade de Gateshead, qui va remplacer Birmingham puisque celui-ci est en cours de réaménagement pour les Jeux du Commonwealth qui auront lieu en 2022, donc changement de lieu, de site en tout cas, mais toujours en Grande-Bretagne. Et puis le reste du programme n'a pas bougé, une inversion seulement avec deux Zurich et Bruxelles là, qui seront inversés, mais qui seront toujours tous les deux au rendez-vous bien sûr. Et puis évidemment on aura aussi sur le stade de Charletti, le 13 juin, donc l'étape à Paris, et puis bien sûr Monaco aussi au mois de juillet. Voilà, en tout cas, ce petit changement du côté de la Ligue de Diamants. Voilà pour les infos athlétisme de la soirée. On change de décor avec la Formule 1 et le titre qui, ça y est, est joué. Alors, ça faisait déjà quelques temps qu'il était joué, mais cette fois, c'est officiel. Lewis Hamilton, remporte ce nouveau titre pilote, voilà, le Britannique, qui n'a pas remporté ce Grand Prix des États-Unis, mais il n'avait pas besoin de le remporter pour être champion. Il a terminé deuxième devant son coéquipier Valtteri Bottas, et c'est Marc Verstappen qui prend la troisième place de ce Grand Prix donc des États-Unis qui avait lieu hier soir sur le circuit d'Austin. À noter encore une belle quatrième place pour Charles Leclerc. Les Français avec Romain Grosjean 15e et Pierre Gasly 16e. Une petite déception puisqu'il y a seulement 16-17 arrivés. Donc c'est assez quand même décevant ces places pour les Français. Donc 6 fois champion, hein, 6e titre pour le Britannique. Voilà, donc encore un beau titre pour lui, puisqu'il pour l'instant totalise après ses grands prix 381 points, 314 pour Bottas qui devrait finir deuxième. Donc Leclerc est troisième, 249 points, et qui devrait peut-être rester à cette place. 235 pour Verstappen, 230 pour Vettel, et puis après très loin, on passe à 84 pour les places suivantes. La fin du championnat du monde avec dans 15 jours le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo sur le circuit d'Interlagos, et puis le 1er décembre ce sera le Grand Prix d'Abu Dhabi pour clôturer comme d'habitude la saison. Côté constructeur, le titre Mercedes, là aussi, il est joué depuis quelques temps, qui va encore une fois remporter ce championnat du monde des constructeurs sans problème. Et puis, autre fin de saison aussi qui se profile, c'est celle de la MotoGP, avec d'abord les résultats d'hier, où on était. Du côté de la Malaisie pour ce Grand Prix sur le circuit de Sepang, victoire pour Marc Vinales, Marc Marquez 2e, Dovizioso Rossi, Quartararo déception 7e seulement de ce Grand Prix. Le titre là aussi est en jeu. Marc Marquez bien sûr 395 points, Dovizioso devrait être 2e, Vinales ou Alex Rins devrait a priori se battre pour la 3e place, Quartararo et lui 6e. La fin de saison, où il reste encore là aussi un Grand Prix, ce sera dans 15 jours pour clôturer la saison, circuit de Valence pour le 4e et dernier Grand Prix en Espagne. Bien sûr, ce sera la fin de cette saison. Et puis là aussi, fin de saison, le titre aussi est en jeu, on le rappelle, un rallye, Tanak est titré et restera aussi un rallye pour clôturer. Mais dans 15 jours, voilà, là aussi, on clôturera la MotoGP et le rallye en Australie, et puis restera là aussi plutôt un seul Grand Prix en Formule 1 pour que tout soit clôturé cette saison mécanique. Voilà pour ce point donc mécanique. On va parler de handball désormais avec plein de choses, hein, côté handball bien sûr, avec Saran, avec Gien, avec Fleury, avec la Ligue des Champions. Les Ligues des Champions même. On va commencer avec Gien, dont on rappelle a remporté, ça y est, un premier succès. On en avait parlé avec déjà il y a quelques semaines avec Sylvain. Malheureusement, il n'y en a pas eu ce week-end, puisque c'était une défaite à domicile face à Chartres. Alors là aussi, on en avait parlé. C'était un match important face à un concurrent direct, mais déjà qui a été battu 34 à 26 malheureusement, et qui reste avec un seul succès pour l'instant, c'était face à Cesson-Rennes. Cet unique succès pour le moment qui permet seulement pour l'instant à Gien d'être 10e avec 9 points, ce qui se partage la dernière place avec Cesson-Rennes justement, on en parlait, et le club de Livry. Chartres du coup, on en profite pour prendre 2 points d'avance avec 11 points. Et en tête, c'est la réserve du PSG qui est avec 21 points, donc leader. Prochain match, il sera à l'extérieur à Saintes, qui est 7e. Ce sera samedi soir, un déplacement à 20h30, où il faudra, 20h45 même, où il faudra prendre des points absolument dans cette saison qui est compliquée pour le moment, puisqu'il y a eu un seul succès sur les 10 matchs. 9 matchs depuis le début de cette saison. Et puis si on va un petit peu plus loin, la prochaine réception ce sera celle de l'équipe de Lormont, qui est deuxième. Donc là ce sera très difficile dans 15 jours. Mais déjà ce déplacement à Saintes samedi soir. Voilà pour J1. Déception pour Saran à Nice, qui se déplaçait et qui s'incline largement, hein, 28 à 19. Un cauchemar pour Saran, qui a marqué 17 buts seulement, et qui va devoir se relancer très vite. Et donc après cette défaite donc à Nice, déception, mais on espère mieux. Bien évidemment dès ce week-end où donc Saran va recevoir Massy, le leader. Ce sera vendredi soir à la Halle du Bois Joli pour se relancer, hein, mais cette défaite heureusement n'est pas catastrophique puisque elle permet seulement de perdre une seule place et rester à 3 points du podium. Donc c'est pas une catastrophique, mais c'est dommage puisque c'était assez serré, hormis Massy et Limoges qui sont tout en haut. Et bien c'est serré, hein. Cherbourg, c'est son Rennes, 9 points, 7 points pour Nancy, Nice, Saran et Strasbourg, 6 points. C'est quand même très serré, donc il y a rien pour l'instant d'alarmant, mais c'est dommage cette défaite de Saran. Donc vendredi soir, 20h30, à l'Esport Jacques Mazzucca, donc à Saran, domicile, pour recevoir le leader, qui a déjà perdu une fois, donc rien n'est impossible. Il faudra réaliser l'exploit pour se relancer dans cette saison. Voilà pour Saran. Et puis avant de passer chez les filles, les résultats, le programme pardon, de la saison de Lille Star League, puisqu'il n'y avait pas de championnat cette semaine, on parlera, c'était la Coupe de la Ligue, mais ça rejouera mercredi désormais, et mercredi et jeudi jusqu'à même samedi pour Paris Aix en Provence. Nantes ira à Nîmes jeudi soir, alors que Montpellier recevra Ivry mercredi soir. Au côté classement, Paris est invaincu et leader, 14 points. Nantes, Montpellier, Aix sont à 10 points à égalité, c'est quand même assez serré. Donc pas de championnat puisque c'était la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue où on jouait le troisième tour. Troisième tour donc de cette Coupe de la Ligue. Avec des victoires à l'extérieur, celle de Dunkerque à Saint-Raphaël. C'est fini malheureusement pour Chartres qui avait atteint ce troisième tour. Et voilà, c'est terminé malheureusement. Et c'est une défaite face à Nîmes, 32-20, assez large quand même. Toulouse s'est imposé à Massy, là aussi logiquement. Et Istres a battu Créteil. Donc pour les quarts de finale, donc c'était le troisième tour qui faisait office hein, de huitième de finale, où il n'y avait que 4 matchs. Et les équipes qui se sont imposées se sont qualifiées pour... Donc les quarts de finale, c'est un petit peu différent des années passées, mais c'est un peu comme la Coupe de la Ligue au foot où il y avait le 16e, on en reparlera, il y avait très peu de matchs. Il n'y avait pas 16 matchs, hein, comme des 16e classiques. Et là c'est pareil, pour ce troisième tour, il n'y avait que 4 matchs. Et en tout cas, on connaît 4 qualifiés. Et donc, il restera encore à jouer ce tirage au sort. Pour savoir qui va jouer qui. Donc Et il reste bien sûr le Paris Saint-Germain, Montpellier, Nantes et Chambéry, des équipes qui sont engagées en Coupe d'Europe, qui vont faire leur entrée donc face à ces quatre-là. On verra le tirage au sort un petit peu plus tard. Voilà la Coupe de la Ligue. Et puis bien évidemment chez les femmes, la 10e journée, Fleury qui a fait un beau résultat à l'extérieur, c'est sa victoire à Nice 27-21, elle est importante. Une autre victoire extérieure, c'est la seule d'ailleurs avec celle de Fleury, c'est Paris 92 qui a été battu Chambray les Tours. Et puis là, alors pas forcément la surprise, mais en tout cas une petite surprise, c'est sa victoire, la défaite plutôt de Metz à Brest, les deux co-leaders. Metz s'est incliné 29-28 à Brest. Belle victoire brestoise qui leur permet donc, on va le voir, de revenir presque à hauteur au classement. Une belle victoire pour Brest, puisque Metz reste leader avec 28 points. Et Brest est deuxième avec 27 points, un match nul de plus pour Brest. Nantes est troisième, 25 points. Fleury quatrième avec 23 points, voilà, qui est vraiment très proche du podium. Le Paris 92 est cinquième. Et puis en bas, Chambray, Tours et Mérignac qui sont relégables. La suite de cette saison emmènera Fleury, enfin qui permettra à Fleury de recevoir Brest, justement, le co-leader. Ah, le second, pardon, le dauphin, une victoire qui serait la bienvenue pour revenir presque sur le podium. Donc ce sera le match mercredi soir à 20h30 et ce sera au Palais des Sports. Le temps de vous confirmer, mais normalement toutes les affiches se jouent là-bas. Oui, c'est bien le cas, mercredi 20h30. Donc ce sera Fleury Brest, belle affiche en tout cas. Après des sports 20h30 mercredi, donc allez-y. Et puis il y a une info que la billetterie est offerte pour les moins de 10 ans, donc c'est un beau rendez-vous pour les enfants également, ce match face à Brest, et donc dans le cadre de la 11e journée de cette première division. Après bien sûr on vous présentera un petit peu plus tard le programme, puisque on aura, si on peut peut-être s'avancer un petit peu plus loin dans cette saison, pour vous donner la suite aussi du programme de Fleury qui jouera ensuite la Coupe de France. Puisqu'il y aura une petite coupure ensuite, hein. Il y aura bien sûr ce match cette semaine, pas de match ce week-end. On joue en semaine. Alors, tout le monde ne joue pas en semaine, hein, puisque Fleury joue mercredi, tout comme Metz d'ailleurs, mais les autres équipes jouent vendredi et samedi. Hein, voilà, et tout simplement parce que Brest et Metz jouent en Ligue des Champions, pardon, ce week-end, et bien on joue en semaine. Donc Fleury va aussi jouer cette semaine évidemment. Et ensuite il y aura un bon repos jusqu'au week-end suivant. Et puis la Coupe de France 15, 16 et 17 novembre. Alors on n'a pas encore la date exacte, mais Fleury se déplacera à Cergy pour ses 16e de finale de Coupe de France. Ensuite il y aura une dernière réception avant la trêve. Ce sera... il n'y aura pas de réception, pardon. Puisqu'après, il y aura bien sûr le mondial féminin. Donc, ce sera le dernier match de championnat. Ce sera mercredi. Et ensuite, il y aura la Coupe de France. Avant de clôturer pour plus d'un mois et demi. Et reprise fin décembre. Après la trêve, bien sûr. Pour la suite de saison. Donc là, c'est le dernier match de championnat cette semaine. Et la semaine prochaine, la Coupe de France. Voilà. Pour être... complet sur Fleury qui va donc on l'espère remporter cette affiche. Et puis bien sûr la Coupe de France hommes et femmes, on en reparlera un petit peu plus tard, puisque pour l'instant nous sommes encore au premier tour régionaux. Voilà pour ce championnat chez les femmes. Et puis on finit avec, bien sûr, la Ligue des Champions, où bien évidemment on joue à chaque fois, tous les week-ends. On va commencer avec le Paris Saint-Germain qui recevait Aalborg, victoire pour les Parisiens, qui leur permettent de rejoindre le FC Barcelone en tête du classement en haut. Prochain match, ce sera mercredi soir pour le Paris Saint-Germain, qui va recevoir, qui va se déplacer à Flensburg en Allemagne pour les Parisiens. Groupe suivant, c'est le groupe de Montpellier qui fait match nul à l'extérieur au FC Porto dans la fin, toute fin de match, hein, 23 partout, qui se déplacera en Ukraine. Ce sera dimanche pour tenter de s'imposer, et Montpellier pour l'instant est troisième et qui va se déplacer chez la Lanterne Rouge, qui n'a pris qu'un point, un nul et cinq défaites, donc victoire impérative évidemment dans cette rencontre donc pour les Montpellierains. Et puis bien sûr terminons avec notre autre club, le temps de retrouver puisque là on n'arrive pas malheureusement à accéder, mais bien sûr, nos autres clubs français qui jouent également Ligue des Champions féminine, c'est bien évidemment Metz et Brest cette année pour les deux clubs donc français engagés. Metz qui s'est imposé et qui est toujours leader de ce groupe à 4, on rappelle, et qui se déplacera en Croatie samedi soir pour tenter de rester leader. Et puis Brest est toujours leader, invaincu, 4 sur 4, victoire à nouveau face à l'équipe allemande de Bietigheim, 36-30, belle rencontre, des réceptions encore lors de la prochaine journée samedi soir pour là aussi rester toujours pourquoi pas invaincu. Voilà donc les résultats de nos clubs français qui sont très bien classés et on espère qu'ils vont y rester dans cette Ligue des Champions. Et à noter dans la deuxième coupe, c'est la coupe de l'EHF qui est la deuxième compétition européenne. On retrouve donc trois clubs français chez les femmes, Besançon, Nantes et Nice, qui ont donc trouvé leur calendrier et qui démarreront match ce week-end pour les matchs aller et matchs retour donc dans 15 jours. Voilà donc on espère que ça va passer pour ces trois clubs français. Donc la deuxième compétition, la phase finale, enfin en tout cas la phase de groupe, elle aura lieu seulement au printemps. Et là c'est donc le troisième tour préliminaire, dernière étape avant les groupes, et on espère que ça passera pour les Français. Mais ces trois clubs très compliqués et le tirage qui a vraiment pas été favorable. On verra en tout cas si ça peut passer pour ces trois équipes là dans cette coupe de l'EHF, qui est donc la deuxième coupe donc dans la hiérarchie des coupes d'Europe. Voilà pour être complet sur les coupes d'Europe et puis pour le hand en général. Revenons dans un instant pour la suite. Il est 21h09. La suite, ce sera du basket. Là aussi, on fera le point sur nos clubs en Coupe d'Europe. Bien sûr, la Jeep Elite. Et puis, la NBA, on fera un point habituel. Avant de parler de rugby, où là aussi, on aura des choses à dire. La Coupe du Monde, bien sûr. Le top 14 qui va reprendre. Le RCO. Et puis, le tennis et foot. Voilà, encore pas mal de choses dans cette deuxième partie. Et puis nos directs qui commenceront dans 35 minutes maintenant pour nos deux affiches, Le Havre-Nancy en Ligue 2 et Spal-Gênes en Italie. Ce sera donc dans un peu plus d'une demi-heure pour le début de ces rencontres. Côté son, qu'est-ce que l'on nous propose pour la suite du son? Dépêche Mode, oui pourquoi pas Dépêche Mode avec quoi? Personal Jesus. Eh bien, c'est parti pour ce second titre. Et dans un instant, deuxième partie avec du basket et du rugby. Donc, au programme dans la suite de cette émission. À tout de suite. C'était Depeche Mode avec Personal Jesus à l'instant. Retour pour la deuxième partie, tout de suite, avec des infos. Alors d'abord, on va parler de la Jeep Elite, bien sûr. C'était la septième journée où, malheureusement, Orléans, le Ray Basket, s'est incliné au Palais des Sports face à Cholet 83 à 80, qui met bien sûr l'OLB dans une situation très inconfortable ce soir, avec une 11e place seulement. Alors, c'est pas si catastrophique sur 18, oui, mais c'est qu'à ce stade-là, on a quand même pas moins de 6 équipes qui sont à 33% de réussite, ce qui correspond à seulement 2 victoires pour 5 défaites. Excusez-moi, 2 victoires et 4 défaites. Alors c'est pas beaucoup mieux quand même. On retrouve tout en bas Strasbourg, Rouen et le Portel qui font moins bien. Pour l'instant, Boulogne et l'Asvel, Boulogne-Levallois et l'Asvel sont toujours co-leaders et invaincus. 7 sur 7 qui se sont imposés respectivement face à Rouen et face à pour l'Asvel, Chalon-sur-Saône, tous deux à domicile, qui leur permet de rester invaincus et en tête de ce classement. La prochaine journée, ce sera la 8e. Orléans se déplacera à Monaco pour tenter de se relancer dans cette saison qui est pour l'instant assez compliquée. Ce sera le match le 9 novembre pour tenter de s'imposer à Monaco, qui est 4e, qui a perdu un seul match pour l'instant. Ce sera pas facile. Ce sera samedi soir pour tenter de faire ce beau match, on espère, attendu. Avant de parler de la NBA, bien sûr, on va parler de nos coupes d'Europe où l'on joue en tout cas dans l'Euroleague, la phase de poule. Pour l'instant, formule championnat, on joue la 6e journée de cette Eurocoupe. L'Asvel battu à Valence, 81 à 72. Ce résultat qui met l'Asvel 12e seulement, malgré quand même 3 belles victoires à domicile. Mais en tête, on a par exemple le CSKA Moscou ou encore FC Barcelone qui ont perdu, mais qui sont en tête. Avec seulement une seule défaite. Prochain match pour l'Asvel, réception du CSKA Moscou. Ce sera jeudi soir pour, rester invaincu à domicile, puisque malgré ces deux défaites à l'extérieur, il n'y a pas eu de défaite à domicile. Ce qui est déjà un bon point. Toujours basket, toujours Coupe d'Europe et l'Eurocoupe, toujours chez les hommes. Avec Monaco qui jouait à l'extérieur, battu à Bologne en Italie. 3e place pour l'instant pour Monaco dans ce groupe A. 3 victoires et 2 défaites. Limoges qui va beaucoup moins bien, qui jouait à domicile, qui a perdu face à Belgrade, qui n'a remporté qu'un seul match et qui est 5e. Attention Limoges, même si la saison évidemment est encore longue. Nanterre n'est pas mieux avec une 5e place également, et qui a également été battu à domicile lors de de la semaine dernière. Pour l'Eurocoupe, c'est tout. Et tout le monde rejouera bien sûr cette semaine pour une nouvelle journée d'Eurocoupe. Dans la Ligue des Champions, enfin, Strasbourg va plutôt bien, faut bien le dire, qui a de nouveau remporté son match cette semaine, qui est 2e, qui pour l'instant est plutôt bien classé. Pau, qui est tout l'inverse, 3 matchs, 3 défaites, qui est évidemment dernier, battu à nouveau à Pologne lors de cette nouvelle journée. Et enfin, notre dernier équipe, c'est Dijon, qui est dans le sens inverse, 3 victoires en 3 matchs, nouvelle victoire à domicile cette semaine, et qui rejouera demain pour un nouveau match dans cette compétition de la Ligue des Champions. Donc c'est assez mitigé quand même, faut bien le dire, pour nos clubs français. Bourges, chez les femmes maintenant, Bourges en Euroleague, qui n'est pas très bien non plus, avec une seule victoire pour deux défaites. C'est la première victoire, pardon, ce week-end, en Lettonie, à Riga. 70-55, important d'avoir remporté cette première rencontre. Et puis dans l'autre groupe, on retrouve deux clubs français, Lattes Montpellier et l'ASVEL Lyon, qui recevaient tous deux Lattes qui recevait et qui s'est imposé. En revanche, l'ASVEL s'est incliné en Italie. Les deux rejoueront cette semaine, tout comme Bourges bien sûr, dans de cette nouvelle journée d'EuroLeague, qui n'est pas du tout le même format que chez les hommes, où on joue 34 journées consécutives. Non, c'est un petit peu différent chez les femmes. Alors, bien sûr, on reprécisera un petit peu plus tard, hein, quand ce sera un petit peu plus avancé dans cette saison européenne. NBA, un point, bien sûr. Quelques résultats de la nuit dernière. Il y en avait 5 matchs au programme. Victoire de Miami face à Houston. 3 victoires extérieures, celle de Sacramento à New York, celle des Lakers aux Spurs et celle de Dallas à Cleveland. Et enfin, la victoire des Clippers face à Utah Jazz. Avant de vous proposer quelques affiches de la nuit prochaine, le classement à l'Est, Philadelphie est invaincu et bien sûr leader, Miami, Boston pour l'instant dans le top 3. À l'Ouest, les Lakers sont en tête avec une seule défaite. Minnesota, les Clippers, les deux équipes de Los Angeles vont très bien. Les Spurs sont en 7e et les Warriors 14e avant-dernier. Une seule victoire qui va en 6 matchs, qui va vraiment pas très bien dans ce début de saison. La nuit prochaine, je vous propose quelques affiches. Comme d'habitude, lors de cette prochaine nuit, il y aura 6 matchs encore au programme. Washington, Détroit, Brooklyn, Nouvelle-Orléans. Ça, c'est à 1h et 1h30. 2h, Minnesota, Milwaukee. Memphis, Houston. Et à 3h, Phoenix, Philadelphie. Et enfin, 4h30, les Warriors pour se relancer face à Portland. Ce sera à suivre sur Beansport. Et une dernière info côté basket qui concerne l'Espagnol José Manuel Calderón, qui a annoncé aujourd'hui qui mettra un terme à sa carrière, qui met un terme à sa carrière. Champion du monde 2006, on rappelle, qui joue avec les Pistons, donc a annoncé qu'il met un terme à sa carrière à 38 ans, après 193 sélections. Il a joué notamment NBA avec les Raptors, les Pistons, Mavericks, les Knicks, les Lakers, les Hawks, Cavaliers. Voilà, et il va donc maintenant commencer une deuxième carrière au sein de l'association des joueurs de la NBA, donc une petite reconversion toujours dans ce domaine de la NBA. Voilà pour une dernière info côté basket et donc NBA. Sans transition, du rugby avec bien évidemment la fin de cette Coupe du Monde et ce match qu'on n'attendait pas forcément dans ce sens-là, mais c'est l'Afrique du Sud qui s'impose face à l'Angleterre. L'Angleterre qui avait fait la sensation en battant la Nouvelle-Zélande assez, faut bien le dire, pas facilement, mais avec la manière en tout cas, et qui a été battue cette fois par la Fédération 32-12. Des Anglais très imprécis, notamment dans les passes, seulement 4 pénalités, et puis l'Afrique du Sud qui était devant tout le long, qui a même pris le luxe de se mettre à l'abri avec 2 essais en fin de match pour donc s'imposer, remporter cette Coupe du Monde, 3e fois de leur histoire. Et ils ont vraiment été dominateurs du bout en bout. Jamais les Anglais n'ont pu revenir. Trop indisciplinés, beaucoup de fautes, faut bien aussi le préciser, beaucoup de fautes. Et en tout cas, 3e titre pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Afrique du Sud, pardon. Et pour revenir sur la Nouvelle-Zélande, eh bien, une 3e place, une médaille de bronze face au Pays de Galles, 40-17, où là, il n'y a pas eu match non plus, et qui donc prend cette 3e place. Mais c'est bien l'Afrique du Sud qui est bien champion du monde. C'est le résultat de cette Coupe du Monde. Et on rappelle la France battue en quart de finale. Bien sûr, maintenant le rugby international nous emmènera autour de la destination, qui aura lieu en mois de février prochain. Alors, on peut vous déjà vous préciser que la billetterie pour cette destination est ouverte depuis aujourd'hui. Donc, allez-y. Il y a des bons matchs en prévision. France-Angleterre, ce sera au Stade de France en plus. Donc, n'hésitez pas. Ce sera le 2 février cette rencontre. Il y aura également France-Irlande qui sera au Stade de France. Si je dis pas de bêtises, il y aura en France-Italie. Donc voilà, en tout cas, il y aura de belles affiches cette année, en Six Nations. France-Angleterre, France-Italie, France-Irlande, Stade de France, et puis donc Galles et Pays de Galles et je ne sais plus, le cinquième rencontre. Je ne sais plus, en tout cas il y aura Écosse, voilà, c'est ça. Écosse et Pays de Galles extérieur, et puis à domicile les trois autres. Donc de belles affiches en prévision. Vous pouvez aller faire un tour sur bien évidemment le site, notamment du Stade de France, pour acheter déjà vos places. On va repartir avec le top 14 ce week-end. Ça y est, c'est la reprise où les internationaux sont opérationnels de nouveau. Samedi et dimanche, les affiches. On finira par Stade Français Racing et on ouvrira par Toulon Montpellier. Donc pour cette 9e journée, et puis juste la semaine suivante, on aura aussi le début de des Coupes d'Europe qui vont bien sûr aussi lancer avec nos clubs français, Lyon notamment, puisque je le vois ici, Lyon qui sera bien sûr là, Rochelle, Clermont, le Racing, Montpellier, Toulouse, donc dans la Coupe d'Europe principale, et puis bien sûr il y aura aussi la Challenge Cup, on nous reparlera, ce sera que la semaine prochaine. Pour finir avec le rugby, revenons sur l'RCO qui continue sa saison bien sûr en Fédéral 2, qui jouait à nouveau lors de cette journée et malheureusement qui a été battu au Paris Université Club 14-19, petit score dans cette poule donc de cette Fédérale 2. Le classement, eh bien, RCO est 11e avec 8 points, une seule victoire, 5 défaites, avant-dernier donc de ce classement, qui va tenter de revenir fort, on espère, avec un match à domicile face Courbevoie, Rugby Club de Courbevoie qui est dixième, hein, qui a 2 points d'avance, donc c'est vraiment un match important et qu'il faut absolument remporter. Et cette rencontre, ce sera donc samedi à 15h pour, on l'espère, remporter un match important pour cette 7e journée de Fédéral 2. Voilà le point en rugby. Voilà, on a fait, me semble-t-il, le point sur tout ce qu'on pouvait être fait ce soir. Et on va bien évidemment enchaîner avec du tennis donc, et avec pas mal de choses aussi, hein, côté tennis. Commençons avec le Rolex Paris Masters bien sûr, qui s'est terminé hier avec cette finale remporté par Novak Djokovic assez logiquement, faut bien le dire, et facilement, qui a été impérial notamment au service. Alors il a monté en puissance tout au long du tournoi, hein, qui a eu un petit peu de mal au départ, quelques difficultés au premier set face à Corentin Moutet, jeune français, au premier tour, enfin, en tout cas pour son premier tour à lui, et le deuxième tour pour son premier match face à Edmond, aussi un peu compliqué lors d'un premier set. Un Tsitsipas complètement passé à côté en quart finale, un 6-1-6-2. Une demi-finale face à Dimitrov qui a été compliqué aussi, 7-6 au premier set, dont Dimitrov qui servait à 5-3 pour servir pour le premier set, et finalement eh bien il n'a pas réussi à clôturer, et puis derrière il est battu en deux manches. Et face à Shapovalov, le Canadien, 6-3, 6-4, tient en finale, un break dans chaque manche. À noter, deux Français en quart finale, Gaël Monfils, trop tendre face à Shapovalov pour respirer mieux, battu en deux manches, 6-2, 6-2, avec double break à chaque fois. Et puis Joe Tsonga, battu face à Rafa Nadal, un premier set très accroché, battu en tie break, 7-6. Et puis, défaite 6-1 ensuite dans le deuxième set, et Nadal, malheureusement, qui a annoncé avant, quelques minutes avant le début de sa demi-finale, forfait, déclaré forfait après des douleurs aux abdominaux contractées lors de son entraînement, et qui malheureusement n'a pas pu assurer face aux Canadiens. Et la finale rêvée face à Djokovic n'a pas eu lieu. Ça n'empêche que ce matin, eh bien, c'est Rafa Nadal, espagnol, qui reprend la tête du classement mondial. C'était quoi qu'il arrive sûr, hein, même si l'Espagnol aurait perdu plus tôt dans ce tournoi. Un an après que Djokovic ait récupéré cette place, eh bien, il la repère. Peut-être pas pour longtemps, puisqu'il aura l'occasion, en cas de finale au Masters, de reprendre cette première place mondiale. On verra, en tout cas. L'Espagnol, lui, qui n'est pas sûr de s'aligner au Masters, on n'est pas encore là, mais il va vite arriver ce Masters, et on espère bien sûr qu'il sera présent pour défendre ses chances de rester en tête de la hiérarchie. On verra. Et puis bien aussi également la Coupe Davis, où il n'est pas sûr d'être présent. Cette phase finale de Coupe Davis qui aura lieu, on le rappelle, en Espagne, à Madrid, à domicile pour l'Espagnol. Donc on verra s'il pourra être présent pour dernière échéance de l'année. Cette semaine, c'est le Masters Next Gen, le Milan Next Gen, donc le Masters pour les jeunes. On retrouve un Français, c'est Hugo Humbert, qui cette année participe à ce Masters Next Gen, voilà, donc on espère qu'il va pouvoir faire un bon tournoi. Donc le programme, on va vous le donner dans un instant, mais en tout cas Gerber sera dans ce groupe, le groupe B, avec Himmer qu'on a bien sûr vu à Lucedois, à l'US Orléans, qui a remporté le tournoi à l'US Orléans cette année, avec Frances Tiafoe, l'américain qui est très fort cette année, hein, bien sûr. Et puis Sinner, l'italien aussi, qui a fait un beau tournoi, donc pas facile aussi, hein. On rappelle Hugo Humbert 56e, hein, pour l'instant. Donc pour pouvoir participer, il faut avoir moins de 21 ans. Donc Tsitsipas notamment, lui aurait pu se qualifier pour ce Masters Next Gen parce qu'il a 21 ans, mais il est déjà qualifié pour le Masters de Londres, donc il est bien sûr absent. Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov bien déclaré forfait, l'un pour une cheville, l'autre pour la fatigue après sa finale à Paris. Et donc les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales. Donc par contre, la spécificité, c'est que les matchs se déroulent en 3 sets gagnants. Le premier à 4 sets, à 4 jeux, remporte un set, et jeu décisif à 3-3, hein. Pas d'avantage égalité ni de lettre, donc évidemment ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite puisqu'il n'y a pas donc d'avantage à l'égalité et pas de lettre au service, donc évidemment on gagne énormément de temps. Pas de juge, la spécificité également, c'est qu'il n'y a pas de juge de ligne, mais un arbitrage électronique pour tout. Donc, et puis bien sûr, il y a toujours la vidéo, hein, le challenge qui est présent. Voilà, donc en tout cas, les quelques spécificités de ce tournoi. Et puis les joueurs qui ont la possibilité d'être coachés à la fin de chaque set via un casque audio et une tablette. 4 minutes d'échauffement seulement. Et puis là aussi, là, côté spectateur, là, La spécificité, c'est qu'ils peuvent bouger librement pendant les matchs. Donc, il ne faut pas attendre les changements de côté pour bouger. On peut bouger à n'importe quand. Voilà, donc une petite spécificité de ce Master Nelson. Demain, les premiers matchs, c'est à partir de 14h. D'abord, on aura le groupe A, je ne vous l'ai pas donné, mais ce groupe A avec Casper Ruud, le Norvégien, Kekmanovic, Axe de Minor et Davidovic, l'Espagnol. Donc demain, on démarrera avec Casper Ruud, Miomir Kekmanovic à 14h, Axe de Minor, Alexandro Davidovic, et puis à partir de 19h30, Hugo Humbert face à Michael Himmer. Et Frances Tiafoe, Yannick Sinner. Voilà les belles affiches de ce Masters Next Gen. Et puis après, bien sûr, on aura le vrai Masters qui lui aura lieu à partir de dimanche prochain. Avec là aussi, on n'a pas encore les affiches, mais quoi qu'il arrive, ça promet du très beau tennis à Londres pour ce dernier tournoi de l'année. Une info pour parler de Rafa Nadal qui rappelle a déclaré forfait dans cette demi-finale à Paris-Bercy. Il décidera donc demain s'il jouera le Masters, hein, voilà, il annoncera que demain il va passer une IRM. On ne sait pas encore s'il va pouvoir prendre part à ce Masters. On le saura donc demain, le jour du tirage au sort des groupes, hein. Voilà, donc c'est la nouvelle qu'on a appris aujourd'hui sur Twitter. On verra. Et puis on rappelle que donc il avait déjà été absent l'an passé, hein. Qui n'a jamais remporté ce Masters. Une finale en 2010 perdu face à Federer, une en 2013 face à Djokovic. Et s'il y a un forfait dans qui se confirme, c'est Roberto Bautista Agut qui le remplacerait. Gaël Monfils aussi est remplaçant, mais deuxième remplaçant. Hein. Et puis si le forfait se confirme, eh bien ça ferait évidemment les affaires de Novak Djokovic qui devrait seulement être en finale, c'est déjà pas mal, comme l'an passé, pour terminer numéro 1 mondial. Et bien sûr, on en reparlera dès la semaine prochaine. Côté femmes, la saison là aussi, alors que juste pour vous rappeler, hein, on parlait du classement ATP où ça bien sûr bougeait en haut, ça ne bouge pas jusqu'à la 5ème place. Si pas se récupère une place, soit dépend de Zverev, 6 et 7. Berrettini 8, Bautista Agut 9, Gaël Monfils attaque le top 10 après 3 places de gagner. Il est donc 10ème, David Goffin 11ème, Denis Shapovalov plus 13, il est 15ème, meilleur classement. Nishikori perd 2 places, 13ème. Wawrinka reste 16ème. Khachanov perd 9 places, 17ème. Lui qui avait remporté le Paris-Bercy l'année passée, il perd gros. Lucas Pouille 22ème. Benoît perd 24. Tsonga 29ème, il récupère 6 places encore, hein, après son quart de finale. Ça va beaucoup mieux. Marin-Sinich perd 15 places, 39ème. Manarino 43. Charlie 52. Qui fait une belle progression, là, c'est un beau parcours, pardon. Humbert 55, Simon 57, Gasquet 62, Herbert 65, et enfin Moutet Barreur 81 et 82. Moutet qui a pris 16 places. Bravo à lui. Côté femme maintenant, avec la fin de la saison, avec le Masters. Alors elle n'est pas tout à fait terminée, mais en tout cas les tournois principaux allaient terminer avec le Masters qui avait lieu la semaine dernière, remporté par Alison Barty face à Elina Svitolina, l'Ukrainienne, 6-4, 6-3 en finale. Voilà la fin de ce Masters avec un beau tableau. Il y avait Naomi Osaka, Kvitova, Bencic, Kiki Bertens, Kvitova. Voilà, il y avait un très beau programme quand même. Simona Halep aussi également, Pliskova, Andreescu et Kenin. Et donc c'est Alison Barty qui du coup reste numéro 1 mondial grâce à ce succès. Elle a tenu son rang, Ashley Barty, Karine Pliskova 2ème, Naomi Osaka 3ème, Simona Halep 4. On retrouve ensuite Halep, Andreescu, Svitolina, Kvitova, Bencic, Bertens, Serena Williams, elle est 10ème, elle a encore perdu une place. Première française, Kristina Milenovic, 40ème, avec une place de perdu. Caroline Garcia, 45ème. Le Masters double, où on peut parler bien sûr de la victoire du. D'abord, on va parler du Masters féminin en double, qui a vu la victoire de La paire française, enfin en tout cas avec une française dans cette paire, c'est Kristina Mladenovic qui a remporté avec Timea Babos le ce Masters, qui conserve leur titre puisqu'elles avaient déjà avec la Hongroise remporté le Masters l'année passée. Dominé largement face à la paire Wei-Shi Barkova Strikova 6-1 6-3, c'était à Shenzhen en 1h06 seulement. Donc voilà, nouveau titre, donc elles conservent leur titre. Voilà, donc remporté déjà l'année passée. Et maintenant, direction la Fed Cup pour la française qui disputera la finale contre l'Australie. Eh bien, à Perth en Australie le week-end prochain, donc les 9 et 10 novembre prochain. Bien sûr, eh bien, on l'attend avec impatience cette finale de la Fed Cup. Pour les Françaises, pour l'instant, on n'a pas les affiches, le programme donc de cette finale, mais ça c'est sûr, ce sera avec un horaire décalé avec ce déplacement en Australie. Voilà pour donc ce Masters féminin, cette Fed Cup, et puis côté double à Paris, victoire pour Pierre Garber, Nicolas Mahut, qui a remporté pour la première fois le Masters de Paris-Bercy. Ils ont déjà remporté tous les titres du Grand Chelem, hein, on rappelle. Et donc, nouveau titre pour eux face à la paire Rublev-Kachanov, 6-4-6-1. Et eux qui n'avaient pas rejoint ensemble depuis quelques semaines, quelques mois même, et bien, ils ont bien retrouvé leur automatisme. Hein, 6-4-6-6-1 en 1 heure face à la paire russe. Hein, et alors, cette victoire leur permet de remporter, de compléter un peu plus leur collection. Hein. Ils ont 7 des 9 Masters 1000. Il manque Madrid et Shanghai. Voilà. Et maintenant, bien sûr, pour eux, le défi consistera à aller chercher l'or olympique, hein, à Tokyo l'été prochain. Et pourquoi pas remporter leur premier Masters à Londres dans 2 semaines. Là aussi, où il faudra aussi remporter ce titre. Pourquoi pas, pour compléter ce beau palmarès. Voilà pour le tennis. Ce week-end, cette semaine, le Masters Next Gen. La semaine prochaine, à partir de dimanche, le Masters Classic, les grands. Et puis, ce week-end, la finale de la Fed Cup Australie-France. Voilà le programme cette semaine qui est alléchante. Et puis, tiens, une info concernant Kim Kister. On rappelle qu'il avait annoncé son retour. Elle a retardé son retour, elle qui est blessée à un genou. Elle a annoncé aujourd'hui qu'elle ne ferait pas son retour avant, ne ferait pas son retour en janvier comme c'était prévu, à 36 ans. Voilà, elle va retarder cette reprise, mais elle sera de retour l'année prochaine, la Hollandaise Kim Clijsters. Puis on avait aussi parlé de la Française, qui ferait son retour. Donc dès l'année prochaine aussi, on l'espère. C'est à Tania Golovin pour faire un retour peut-être gagnant. Voilà le tennis, le point ce soir. Et évidemment, pour terminer, c'est le foot avec le début du match dans 2 minutes entre Le Havre et Nancy, et en Italie, début du match entre Spal et Gênes dans 2 minutes également. Football, avant de faire le point sur la Coupe de la Ligue des Champions, mais aussi la Coupe de la Ligue tout à l'heure, faisons un tour rapide de nos championnats étrangers. La claque du Bayern Munich, reçue par le Bayern Munich face à Francfort, 5-1, défaite des Bavarois qui ont terminé très rapidement à 10 après l'expulsion de Jérôme Boateng dès la 9e minute, qui n'a pas évidemment arrangé leurs affaires. 5-1, donc défaite, large défaite du Bayern ce week-end. Le Borussia profite de Mönchengladbach pour s'imposer à Leverkusen 2-1. Dortmund aussi face à Wolfsburg 3-0. Le carton aussi de Leipzig face à Mayence 8-0. Et victoire de Schalke à Augsbourg 3-2. Au classement, eh bien, le Borussia Mönchengladbach est en tête 22 points. Dortmund 2e 19 points. Leipzig et Bayern Munich 18 points. Fribourg 18 points. Schalke 18 points également. Francfort, Wolfsburg, Offenheim 17 points. Très très serré, hein. De la 3e à la 9e place, seulement 1 point pour de retard seulement. En bas, Cologne, Augsbourg, Paderborn sont relégables. En Allemagne toujours, on jouait un tour de coupe ce week-end. C'était le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, puisqu'on a joué à la Coupe. On parlera aussi de la Coupe de la Ligue, bien sûr, de la Coupe de la Ligue anglaise, où on jouait en fait toutes les un peu partout en Europe, les coupes nationales cette semaine. Les résultats donc de ce deuxième tour, qualification pour le Bayern, victoire à Bochum 2-1. Ça a été pas facile pour le Bayern, avec un rouge pour leur adversaire, carton rouge. Fenheim qualifié, Stuttgart, Schalke, Leverkusen, Leipzig face à Wolfsburg 6-1, carton plein. Le Werder, on a également Dortmund face au Mönchengladbach 2-1, qualification pour le troisième tour donc de cette Coupe d'Allemagne. Troisième tour, donc les huitièmes de finale, hein, en fait, où on connaît le tirage, ça y est. On aura Bayern Hoffenheim, Werder Dortmund, notamment Schalke Hertha, ce sera Leverkusen Stuttgart, Francfort Leipzig, voilà les quelques affiches. Ces huitièmes de finale qui auront lieu seulement le 4 février, hein, donc on a largement le temps de voir venir. L'Italie avec la 11e journée de Serie A. Beau match entre la Roma et le Napoli, victoire de la Roma 2-1, victoire de l'Inter à Bologne 2-1. La Juve qui s'impose face au Torino pour la plus petite démarche 1-0. Toute de Light qui marque cette unique but. Et victoire de la Lazio de Rome à Milan AC 2-1. Et puis tout à l'heure, donc Spal Gênes. C'est parti d'ailleurs depuis quelques secondes. Juve en tête 29 points. L'Inter deuxième 28 points. Troisième point, place pour la Roma à 22 points. Cagliari est un surprenant quatrième avec 21 points. 21 points pour la Lazio. Pour Bergame, Naples 7e, 18 points. Milan AC, seulement 12e avec 13 points. En bas, Brescia, Spal et donc Gênes qui se rencontrent depuis quelques secondes. Donc pour cette suite et fin même de journée en Serie A. Pas de coupe d'Italie. Les matchs auront lieu dans un mois, le 4 décembre, pour le quatrième tour, pour les 16e de finale de cette coupe d'Italie, où on attendra encore les 8e pour l'entrée en lice des clubs européens. En Espagne, avec la journée qui nous attendait, la 12e, où Valence s'est imposé à l'Espagnol 2-1, la victoire de Retafe, à Vigo, le match nul de l'Atlético à Séville, la défaite du Barça à l'Evente, c'est la surprise, malgré un but sur penalty de Messi, ouverture du score de Messi, ouais, et bien ça n'a pas suffi, le Real qui n'a pas profité, match nul 0-0 face au Betis Séville. Barça reste malgré tout en tête à égalité avec la Real Sociedad et le Real Madrid, 22 points pour tout le monde, plus 15 pour le Barça, plus 12 pour le Real, plus 7 pour la Real Sociedad, c'est très serré, hein. 21 points pour l'Atlético et Séville, 20 points pour Grenade 6ème, 19 points pour Getafe. On est quand même assez serré dans ce championnat. En bas, Vigo, l'Espagnol Barcelone et Leganés qui n'a que 5 points dans ce championnat, dans cette Ligue 1. Voilà pour ce championnat. Coupe du Roi, pas tout de suite, hein, beaucoup plus tard, la Coupe d'Espagne qui arrivera beaucoup plus tard. Poursuit et on termine avec notre tour d'Europe, alors qu'on rappelle que les matchs sont partis, hein, depuis quasiment 5 minutes en Ligue 2 et en Italie. C'est donc en Ligue 2 la 13e journée 0-0 et en Italie la 11e journée 0-0. On enchaîne avec donc l'Angleterre et les résultats donc de cette journée en Angleterre, avant de parler aussi de la Coupe de la Ligue anglaise qui se déroulait. La défaite, nouvelle défaite de United qui ne va pas bien, hein, définitivement, face à Bournemouth 1-0. Victoire de Liverpool qui continue de s'imposer à Aston Villa 2-1 avec un but en toute fin de match de Mané. City s'impose à Southampton 2-1. Match nul d'Arsenal face à Wolverhampton 1 partout. Et victoire de Chelsea à Watford 2-1. A noter aussi le match nul d'Everton face à Tottenham. Liverpool est bien sûr toujours en tête, 31 points. City 25 points. Leicester, Chelsea 23 points. Arsenal 17 points. Manchester United seulement 10e, 13 points. Et en bas, Southampton, Norwich et Watford. La League Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, où on jouait le 4e tour. Les 8e de finale donc. Noté qualification de City face à Southampton 3-1. Qualification de Liverpool face à Arsenal après un match totalement fou. 5 buts partout dans le temps réglementaire et 5 tirs au but à 4. Match incroyable. Il n'y a pas de prolongation. On est allé, directement au tir au but. Ouverture du score de Liverpool. Qualification d'Arsenal. Deuxième but pour Arsenal 2-1. Même 3-1 pour Arsenal. Avant la mi-temps, Milner permet à Liverpool de venir à 3-2. 4-2 pour Arsenal, qui pensait être à l'abri. Puis, Chamberlain 4-3, Origi 4-4. Willock pour Arsenal 5-4, qui pensait encore avoir fait le plus dur. Et puis, Origi 94e, qui égalise et qui s'impose finalement au tir au but et qui arrache son billet pour le quart de finale. Aston Villa qualifié face à Wolverhampton et United a sorti Chelsea 2-1 qui se qualifie pour les quarts de finale donc de cette Coupe de la Ligue anglaise où nous connaissons déjà les affiches. Oxford United qui sera le petit poussé de cette Coupe de la Ligue face à Manchester City. Ça va être très compliqué évidemment, mais pourquoi pas. Everton recevra Leicester, Aston Villa recevra Liverpool et United recevra Colchester, là aussi petit club de 2 ou 3ème division anglaise. 17 décembre prochain pour les affiches 17-18 décembre prochain pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. Et puis bien sûr un petit peu plus tard on aura aussi la FA Cup, la Coupe d'Angleterre qui pour l'instant en est encore autour régionaux. Et puis bien sûr on parlera aussi de la Coupe de France où on a le tirage au sort du 8ème tour, ce sera dans quelques secondes. Avant cela, le programme de la semaine en Ligue des Champions, bien sûr. Paris recevra Bruges mercredi soir, c'est à 21h. Le Real recevra Galatasaray dans le même temps. À noter Bayern, Olympiakos, Belgrade, Tottenham. On aura Zagreb, Donetsk, Bergame City. Un groupe D, on aura un Bayern Leverkusen, Atlético de Madrid. On peut vous proposer quoi encore? Il n'y a pas beaucoup de gros matchs hein, cette semaine, puisque tous les gros ne se rencontrent pas. Lyon-Benfica, bien sûr, c'est demain soir 21h, alors qu'il y aura Saint-Pétersbourg-Leipzig dans l'autre rencontre. Chelsea-Ajax, Valence-Lille, bien sûr, c'est aussi demain à 21h. Il faudra faire son choix entre Lille et Lyon. Ce sera demain. Voilà, il n'y a pas de grosses affiches. Faut bien le dire, hein. Cette semaine en Ligue des Champions. Et puis en Ligue Europa, eh bien nos clubs français, bien sûr, ils sont là. Rennes se déplace à Cluj jeudi soir à 19h. Rennes qui a besoin absolument de points. Et Saint-Etienne de son côté, le temps de retrouver Saint-Etienne qui est là, va se déplacer également jeudi soir à 21h par contre. Chez le club ukrainien d'Alexandria. Voilà pour nos clubs français cette semaine dans les Coupes d'Europe. On espère évidemment eh bien que il y aura de bien meilleurs résultats que la semaine, qu'en tout cas de la journée précédente, hein, qui n'avait pas été très prolifique. On revient en France avec le temps d'en parler, la Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'on en a parlé en Angleterre pour la dernière Coupe de la Ligue, l'une des dernières en France, puisqu'elle sera bientôt terminée, on vous le rappelle, cette Coupe de la Ligue. C'était les 16e de finale que l'on jouait cette semaine. Qualification de Nîmes qui a battu Lens 3-0. Bordeaux a battu Dijon 2-0. Le Mans se qualifie en battant Nice 3-2. C'est la surprise de cette 16e. Monaco qui a sorti Marseille 2-1. Montpellier se qualifie en battant Nancy 3-2. Toulouse élimine Niort 2-1. Reims se qualifie en battant Bourg-en-Bresse 2-1. Le seul match au tir au but, c'est Brest qui a été battre Metz 1 partout et 4 tirs au but à 3. Amiens se qualifie en battant Angers 3-2. Et Nantes et Trille, le Paris FC 8-0. Les huitièmes de finale pour l'instant ne sont pas encore tirés, mais on aura l'entrée en lice des clubs européens, bien sûr. Paris, Lyon, Lille, Saint-Etienne, et j'ai oublié encore peut-être quelqu'un, Rennes, et bien sûr, j'ai oublié, mais non, c'est tout, ça doit faire le tour, normalement, si j'ai bien compté. Lyon, Paris, Lille, Rennes et Saint-Etienne vont entrer donc dans cette Coupe de la Ligue lors du prochain tour, les huitièmes de finale. La Coupe de France a connu un nouveau tirage au sort, celui du huitième tour, du septième tour, qui voit entrer l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Voilà, alors juste pour vous faire un point rapide concernant nos clubs aussi de la région, on va pas donner toutes les affiches parce qu'il y en a énormément, évidemment, mais on peut vous donner quelques affiches donc de ce 7ème tour, et en 32ème on aura alors l'arrivée des Ligue 1, on le rappelle. Quelques affiches que l'on peut vous proposer, en tout cas de cette Ligue 2 et puis aussi de nos clubs évidemment du secteur qui nous intéresse plus particulièrement. On aura énormément, j'essaie de retrouver bien sûr nos clubs. Il y a Chartres, voilà, Chartres qui se déplacera donc qui se fera un déplacement, oui, pour ce septième tour à Château-Gontier. Ce sera déjà le week-end du 16 et 17 novembre, ça arrive très vite, hein. Voilà, donc pour Chartres, hein, qui est l'un des qualifiés de cette Ligue du Centre Val de Loire, et on espère évidemment qu'il y aura encore un petit peu plus pour notre équipe de Chartres, voilà, et puis plutôt de nos autres équipes aussi, hein, de cette ligue. Alors Chartres donc qui avait battu les Portugais de Tours au tour précédent, le temps de retrouver Saint-Privé Saint-Hilaire aussi qui est aussi engagé. Alors c'est le premier tour, septième tour, c'est ce tour qui est national, ça y est, on se déplace partout, on n'est plus interrégion, hein. Orléans donc qui va se déplacer à Villemomble, qui est une région, un club de région, voilà. Tour qui s'était qualifié en battant un milieu au tir au but, eh bien, donc recevra le club de Jauray, club de région également. Voilà, on aura aussi club de Mont-Louis, tant auprès de Mont-Louis, Bourges et Saint-Privé dans toutes ces cliques. Bourges, voilà, retrouvera club de Sablé également en club de région. Et puis, je n'ai pas trouvé Saint-Privé, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. On va essayer de le retrouver quand même. Saint-Privé Saint-Hilaire, voilà, qui est ici, se déplacera à Moulins. Moulins-Isère, club Moulins-Isère. Voilà, donc Tours, Bourges, Chartres, Saint-Privé et reste encore Mont-Louis. Pour vous donner la fin de cette... de ce tirage côté club de la région Mont-Louis qui recevra le club de Vire. Voilà pour le tirage de club de la région. Et enfin Châteauroux, bien sûr, pour finir, qui recevra Niort. Voilà, duel de Ligue 2 pour Châteauroux. Voilà le point de nos du coup 7 clubs de la région encore. On espère qu'il y en aura encore maximum pour la suite, pour le 8ème tour du coup. Voilà pour la Coupe de la Ligue. Et puis évidemment on revient au championnat avec la Ligue 2 Nouvelle défaite de l'USO à Caen 2-1, qui n'est pas de bon augure du tout, le concurrent direct. Mais on retrouve quelques résultats aussi, la victoire de Lens face à Lorient, face au leader qui du coup en profite pour prendre la tête 1-0. Le Mans a été battu clairement 1-0, 0-0 entre quand même et par FC. Pas de gros score, hein. Ajaccio Rodez 1-0, même score pour 3 Valenciennes et également pour Châteauroux Auxerre. Le seul carton c'est Guingamp à Chambly 5-1, Sochaux à Niort 2-0. Voilà, et en direct, Le Havre Nancy. Le temps de regarder 0-0 toujours après un quart d'heure de jeu, et en Italie Spal Gênes toujours 0-0 également. Classement, 25 points pour Lens qui est leader, la Ajaccio est deuxième 25 points, 3 25 points aussi, 3 équipes à 25 points, Lorient quatrième 24 points qui reste sur 4 matchs sans victoire, hein, qui va beaucoup moins bien. Le Sochaux est cinquième 22 points, Guingamp, Grenoble, Le Havre, Rodez, Clermont beaucoup plus bas, 17e Le Mans 12 points, 18e Châteauroux 11 points, Orléans 19 9 points, égalité avec le Paris FC 9 points. Attention, attention, égalité avec la Lanterne Rouge, ça va très mal pour l'USO en Ligue 2. Justement, le match de vendredi sera encore plus important, il y était déjà contre Caen, mais il est encore plus contre le Paris FC puisque le Paris FC est à égalité avec 9 points. Il faudra absolument s'imposer vendredi, sous peine d'être encore plus mal que ce n'est déjà. Vendredi 20h, stade de la Source pour prendre 3 points impératifs. Là, il n'y a plus le choix. Et on termine avec la Ligue 1. La Ligue 1, la surprise, c'était vendredi soir, la défaite du PSG à Dijon, 2-1. Ouverture de score de Kylian Mbappé, pourtant. Égalisation de Dijon avant la pause. Et au retour des vestiaires, tout de suite, deuxième but, pas de but derrière, 2-1, défaite des Parisiens. Face à la Lanterne Rouge, 2-1, c'est le même score pour Marseille qui a battu Lille, grâce à deux buts de Sanson et de Gabriel contre son camp. Lille est battue à Marseille 2-1. Amiens qui bat Brest 1-0, le même score pour Angers qui bat Strasbourg. Match nul pour Metz face à Montpellier 2-2. Lyon qui s'en sort à Toulouse 3-2 avec un grand de paix, double buteur et surtout buteur à la 95e qui arrache cette victoire. Bordeaux bat Nantes 2-0. Nice bat Reims également 2-0. Et hier soir, Saint-Etienne qui a battu Monaco 1-0. But de Bonga 59e. Un match qui a beaucoup fait parler évidemment. Puisque sur cette ouverture du score à l'heure de jeu, beaucoup. Réclamé une petite faute en début d'action, et voilà, il est vrai que on peut se poser la question de l'utilisation du VAR sur cette action qui aurait pu mettre en avant cette faute, petite charge en début d'action, et puis aussi un carton rouge qui a été retiré, en tout cas un carton rouge qui a été donné à un défenseur stéphanois et qui ensuite a été retiré puisqu'un enjeu avait été signalé par le VAR juste avant, mais un enjeu qui était là aussi très litigieux. Monaco qui terminera à 10 avec l'expulsion celle-ci bien valable d'Aguilar en position de dernier défenseur. Donc ça fait une défaite pour Monaco qui avait pourtant été plutôt entreprenant en première période, mais qui s'incline finalement. Et puis un match qui a été reporté, ça y est, les reports démarrent dès le mois de novembre. Nîmes-Rennes qui a été reporté en raison des conditions climatiques et qui n'a pas encore sa date de report. Au classement, on retrouve toujours pareil, malgré tout leader, malgré cette défaite, 27 points. Angers revient deuxième avec 20 points. Nantes 3ème 19 points, qui reste sur 3 défaites consécutives, hein, et malgré tout qui est quand même là. Marseille 19 points, Lille 18 points, Bordeaux, Reims, Saint-Etienne 18 points, Lyon revient à 10ème place avec 16 points, Montpellier également 16 points, Amiens, Nice 16 points également, Rennes, Monaco 15 points, Dijon, Strasbourg, Toulouse, Metz 12 points, Nîmes 11 points, quand même très serré, hein, avec entre Nîmes qui est dernier avec 11 points. Et on peut même aller jusqu'à Brest qui est 9ème 17 points avec 6 points. et c'est vraiment rien du tout. Très très sérieux. Le programme de la semaine, pour vous donner les affiches de cette 13e journée, on aura vendredi soir à 20h45 Nice-Bordeaux. On retrouve ensuite samedi après-midi à 17h30 Brest-Paris-Saint-Germain. À 20h, 5 matchs programme Reims-Angers, Lille-Metz, Monaco-Dijon et Strasbourg-Nîmes. 4 matchs seulement, puisqu'il y en aura 4 dimanche, exceptionnellement. Nantes-Saint-Etienne à 17h, Montpellier-Toulouse à 17h et l'Olympico Marseille-Lyon à 21h dimanche soir. Donc, les affiches de cette 13e journée de Ligue 1. Voilà le programme de week-end en Ligue 1. L'agenda pour terminer de la semaine, où il y aura plein de choses à suivre, on le disait. On commence donc avec le foot, on le disait à l'instant, cette journée de Ligue 1. Le Ligue 2, Orléans, Paris FC, ce sera vendredi 20h, victoire impérative au stade de la Source. La Ligue des Champions, Lyon, Marseille, Lyon, Lille, Paris, en Ligue des Champions, Rennes, Saint-Etienne, en Ligue Europa, et bien sûr tout le foot européen également. Cette semaine en tennis, on l'a dit tout à l'heure, le Masters Next Gen, toute la semaine, à partir de dimanche le Masters des Grands, et samedi dimanche la finale de la Fed Cup France, Australie-France, à l'extérieur en Australie. Voilà pour la semaine, c'est déjà pas mal, hein. Rugby, retour du top 14 ce week-end, on le disait aussi, le RCO aussi jouera d'extérieur. En basket, NBA toute la semaine bien sûr, les Coupes d'Europe aussi toute la semaine. Et en Jeep Elite, l'OLB tentera de s'imposer à Monaco. Difficile déplacement samedi soir. Donc pour la journée de Jeep Elite. En handball, on faisait le point tout à l'heure, ça joue partout. Bien sûr, en Ligue All-Star League, Saran reçoit vendredi soir à domicile pour tenter de s'imposer. Ça va être compliqué. Et Fleury jouera aussi cette semaine chez les filles à domicile face à Brest, face aux Dauphins. Il y a aussi deux matchs importants pour Saran et pour Fleury. Et puis Gien aussi se déplacera pour là aussi essayer de prendre des points samedi soir. Tout ça samedi soir. Et puis la Ligue des Champions aussi pour les clubs français cette semaine aussi, bien sûr. Et la Ligue Star League, évidemment. Pas de Formule 1, pas de MotoGP et pas de rallye ce week-end. Tout sera la semaine prochaine, voilà. Pour les fins de saison en rallye et en MotoGP et l'avant-dernière étape en Formule 1. Voilà, pour être tout à fait complet sur ce programme cette semaine, vous avez encore plein de choses à suivre, bien sûr. On va se quitter avec un dernier titre et bien sûr on se retrouvera la semaine prochaine avec cette fois-ci le retour de Manu et donc nous le retour à 21h30 si tout va bien. On espère que Manu sera de retour en pleine forme la semaine prochaine et puis bien sûr nous de retour aussi à 21h30. On se quitte avec quoi? On se quitte déjà avec la fin des directs. On va vous laisser avec cette directe là. Et on verra, vous pouvez voir la suite et la fin, bien sûr, de ces deux affiches de Ligue 2 d'abord. Le Havre, Nancy 0-0, 22e, Canal Plus Sport en Italie, 11e journée, Spal, Gênes 0-0, Bein Sport. 4 pour le match, voilà, et on vous laisse avec ces deux affiches là pour terminer. Pour te quitter, on nous propose les Daft Punk avec ce titre mythique, bien sûr, que vous allez reconnaître tout de suite dans une poignée de secondes. C'est I Want The World. Juste après ça, vous retrouvez le radio portugaise avec pas de match ce soir d'ailleurs. Non, il n'y a pas de match ce soir. Et sinon, eh bien, vous pouvez nous retrouver dès lundi prochain. D'ici là, bonne semaine à vous. Portez-vous bien et vive le sport. Et allez les Bleus ce week-end en Fed Cup. Allez, ciao, bye bye. I'm not